Les petites histoires de Léo. Les trottinous et bébé trot. Petit trot a un nouveau lit. Il est placé entre le lit de grand frère et celui de grande sœur. Le matelas est fait de douces feuilles de menthe. Petit trot devrait être content, mais il est grognon. Quelque chose ne va pas, quelque chose est dans son ancien berceau, près du lit de papa et maman. Et ce quelque chose, c'est un bébé trottinou. Petit trot n'arrive pas à mettre son pantalon, mais personne ne vient l'aider. Tout le monde est autour du bébé. Le bébé est très petit, tout rose, et il crie fort, fort. Tous les trottinous s'amusent bien avec le bébé. Tous, sauf Petit Trot. Petit Trot aimerait bien déjeuner, mais son bol est vide. Le bébé a de la chance. Les autres trottinous s'occupent tous de son biberon. Les moustaches de Petit Trot descendent, ses oreilles aussi. Personne ne lui donne à manger. Personne ne l'aide à mettre son pantalon. Quelque chose pèse lourd sur le cœur de Petit Trot. De grosses larmes coulent sur ses joues. « Que se passe-t-il ? » demande maman. « Je vais t'aider à mettre ton pantalon, » dit grand frère. « Si tu veux, je vais remplir ton bol, » propose grande sœur. « Attendez, » dit papa, « quelque chose de formidable est arrivé à Petit Trot. Il peut mettre son pantalon tout seul. Il peut remplir son bol tout seul. » Il ne lui faut plus un petit câlin, il lui faut un gros câlin. Parce que maintenant, Petit Trot est un grand frère. Un grand frère peut aider bébé à se coucher. Un grand frère sait choisir un livre d'histoire. Il est assez grand pour tirer un chariot. Et il est juste comme il faut pour les genoux de maman. Maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Dors bien, Petit Trot.